sache tirer l'aiguille, l'aiguille. Mais je joue à la manille et à la révolution. J'ai le sang de la famille, alors je joue du canon. Car chez nous, de père en fille, en fille, on boit de la tequila en fusille. Nous faisons brûler des villes, nous faisons sauter des ponts. C'est le temps de la manille et de la révolution. J'ai peur, le fils du dictateur. Mes sœurs, toutes les nuits, on rêve, rêve, rêve. Je voudrais être une fille, et pour lui tirer l'aiguille, l'aiguille, il m'offrirait des jonquilles tout en me prenant la main. Je connaîtrai les brindilles sur l'herbe du champ voisin. J'ai peur, le fils du dictateur. M'aime, mes sœurs, toutes les nuits, on rêve, rêve, rêve. Mais chez nous, de père en fille, en fille, on boit de la tequila en fusille. Moi, j'aime mieux les jonquilles qui sont les fleurs de passion. Je joue à la manille et à la révolte.